بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع في هذه الليلة في الدرس الأخير إن شاء الله في الشرح على هذه المنظومة اللامية. Donc, nous allons commencer en cette nuit le dernier cours dans l'explication de ce poème Al-Lamiya, ce poème qui est attribué à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. L'auteur, il dit: وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُوا. Chez vous à la page 13. Et le malheureux brûlera dans le feu avec sagesse. Et le malheureux brûlera dans le feu avec sagesse. De la même façon, Al-Taqi, le pieux, ira au paradis. Il a le djinn. Pour ceux qui veulent les manuels encore, il en reste. Barakallahu fikoum. Fannaru darun a'addaha Allahu tabaraka wa ta'ala lil kafirin. Et donc, le feu, l'enfer, est une résidence que Allah tabaraka wa ta'ala a préparée pour les mécréants. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et craignez le feu qui a été créé pour les mécréants. Craignez le feu qui a été créé pour les mécréants. وَالْكُفَارُهُمْ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَإِنَّهُمْ يُخَلَّدُونَ فِيهَا وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا. Les mécréants sont des malheureux, car ils resteront éternellement dans l'enfer et n'en sortiront pas. Allah le Très-Haut qui dit les concernant: كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوكُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. À chaque fois qu'ils voudront sortir, alors on leur fera rentrer et il leur sera dit: goûtez le châtiment du feu que vous avez démenti. Goûtez le châtiment du feu auquel vous avez mécru. فَنَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ بِكَثِيرٍ مِنَ النَّارِ الَّتِي نَعْرِفُهَا. Le feu de l'enfer est bien plus douloureux et bien plus fort que le feu que nous connaissons ici-bas. Ici, personne ne peut supporter le feu. On est tous unanimes sur cela. Personne ne peut supporter le feu. Je ne parle pas de la chaleur, je parle bien du feu. Personne. Mettre son petit doigt dans le feu, on ne le supporte pas. Et ça, c'est le feu ici-bas. On ne parle pas encore du feu de l'enfer. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. الإمام البخاري ومسلم cité dans leur recueil selon Abi Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: votre feu, celui-ci, le feu d'ici-bas, celui que va allumer le fils d'Adam, le fils d'Adam qui va allumer un feu, ce feu-là est une partie de 70, c'est-à-dire c'est un 70e. Un 70e. Du feu de l'enfer. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Comparé à la chaleur de l'enfer. وَجَاءَتْ كَثِيرٌ مِنَ النُّصُوصِ بِذِكْرِ أَنْوَاعٍ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ الْجَهَنَّمِ. Il y a beaucoup de textes qui stipulent des nombres et des types spécifiques de châtiments de l'enfer. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أن أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من النار يغلي دماغه من حرارة نعليه. L'imam muslim a cité dans son recueil, selon Abi Saïd al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, la personne qui aura le plus petit châtiment de l'enfer, le moins douloureux châtiment de l'enfer, est une personne qui aura deux sandales de feu. Deux sandales de feu. Son cerveau va bouillir à cause de la chaleur de ces deux sandales. Min hararatin alayhi. Le plus petit châtiment de l'enfer. Le plus petit châtiment de l'enfer. Certains savants ont abordé le sujet le plus gros châtiment de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala qui cite que les mécréants, le châtiment, ils auront un châtiment qui ne va pas diminuer. Qui ne va cesser d'augmenter. Qui ne va faire que d'augmenter. Ibn Sa'd, il dit, ça c'est le plus gros châtiment. Le plus gros châtiment, c'est le fait d'avoir un châtiment que tu sais qu'il ne va faire qu'augmenter. Il ne va pas diminuer. Il ne va pas s'arrêter. Mais il ne va faire qu'augmenter. Ça, c'est très difficile. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve du feu de l'enfer. Wa kullu man yadkhulu an-nar yadkhulu bi hikmatin wa 'adl. Toute personne qui rentre en enfer par sagesse venant d'Allah tabaraka wa ta'ala et par justice. فَاللَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. Allah ne fait injustice à personne. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur ne fait pas injustice aux serviteurs. Ton Seigneur ne fait pas injustice aux serviteurs. Et donc, il est important de comprendre que personne, il ne sera fait injustice à personne ce jour-là. Toute personne qui rentrera en enfer rentrera par, en toute justice. Et par une sagesse venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains groupes rejettent cela. La sagesse quant à la création du feu de l'enfer. On comprend des gens qui sont récompensés, ils vont au paradis, d'accord. Mais des gens qui vont dans le feu éternellement. Pourquoi? On n'a qu'à ne pas les recréer. Comme ils m'ont dit un groupe de chrétiens. On n'a qu'à ne pas les recréer. Et on les laisse poussière. C'est bon, ça suffit comme châtiment. La yus'alu amma yaf'al. Allah n'est pas interrogé concernant ce qu'il fait. Fa amma al-jannah fa hiya daru lil muttaqin. En ce qui concerne le paradis, c'est la résidence pour les muttaqin. C'est quoi la taqwa? C'est mettre une barrière entre... Mettre une barrière entre... Entre ce que Allah n'aime pas, et toi. Voilà, mettre une barrière entre nous et le châtiment d'Allah. Mettre une barrière entre nous et le châtiment d'Allah. Ça, c'est une des définitions de être taqwa. Une autre. Attention, elle est correcte. Quand je demande une autre, je ne veux pas dire que cette définition est fausse. Elle est correcte. Mais il y a aussi d'autres définitions qui ont été données. On la cite tout le temps, tout le temps. Non, ça c'est l'ihsan. Alors? C'est l'obéissance avec la lumière. Ah. L'obéissance en étant guidé avec la lumière d'Allah et obéir avec sa lumière et ne pas lui désobéir avec avec la lumière. Et donc, Talq ibn Habib qui nous dit Al-Taqwa Al-Amalu bi ta'atillah ala nourin min Allah. C'est le fait d'obéir à Allah avec une lumière venant d'Allah. Cette lumière, c'est-à-dire la science. Tu sais, tu connais tes obligations. Et donc, tu les fais. Tu connais tes obligations et donc tu les accomplis. Et donc, il te faut de la science pour connaître tes obligations. Mais c'est aussi ijtinabi ma'asiyatillah ala nourin min Allah. C'est le fait de délaisser la désobéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah. C'est-à-dire le fait de délaisser la désobéissance à Allah avec la science. Et donc, tu as besoin de la science pour accomplir les obligations et délaisser les interdits. Certains savants ont dit « Et-taqwa fi'lu at-ta'at wa ijtinabu al-ma'asi ». Et-taqwa, c'est-à-dire le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Et donc, et Talq ibn Habib qui a rajouté « El-Nour, la lumière, la science ». Parce que tu as besoin de cette science pour savoir ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Et donc le paradis, il a été créé pour Al-Muttaqin. Les personnes qui vont suivre les ordres d'Allah et délaisser les interdits. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Inna lil-muttaqina inda rabbihim jannatin na'im » « Afanaj'alul muslimina kal mujrimin » Certes, les muttaqin, les pieux, ils auront auprès de leur Seigneur des paradis, des délices. Allons-nous placer les musulmans comme les criminels? Pour ceux qui demandent pourquoi est-ce qu'Allah a créé l'enfer. Allons-nous rétribuer les musulmans, les croyants, les obéissants, comme nous rétribuons les criminels, ceux qui sèment le désordre sur la terre? Non. Et donc ceux-là sont récompensés et ceux-là sont châtiés. La sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. وجاءت نصوص كثيرة في وصف نعيم الجنة. Il y a beaucoup de textes qui viennent décrire les délices du paradis. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Il a été rapporté dans les deux recueils authentiques al-Sahihayn, selon le hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux. C'est pas pour tout le monde, pour mes serviteurs pieux. Ceux dont aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et qui ne vient à l'idée de personne. Tu ne peux pas essayer, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a au paradis. Exactement, tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité de savoir. Des délices que tu n'as pas la capacité de savoir actuellement. Et donc, fa ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bil jannati wan nar. Les gens de la sunna et du groupe croient fermement en l'existence du paradis et de l'enfer. Wa annahuma makhluqatan al-an. Et que les deux, le paradis et l'enfer, sont créés actuellement. Existent actuellement, les deux, le paradis et l'enfer. Ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle, quand il dit qu'il a préparé les deux, cela est au passé, au iddet. Donc le paradis, au iddet, l'île muttaqin, qui a été préparé pour les muttaqin. L'enfer, au iddet, l'île kafirin, qui a été préparé pour les mécréants. Et donc les deux existent. Fal mu'min, hinama ya'rifu hadha, يحرص على القيام بالأفعال التي ستكون سببا لدخوله في الجنة واجتناب الأفعال التي تكون سببا لدخوله في النار. Le musulman va s'efforcer d'accomplir les causes, d'accomplir les actes qui seront des causes lui permettant d'entrer au paradis. Et il va délaisser les causes qui vont le mener en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Huffatil Jannah bil Makari. Toujours dans Sahihain selon Abi Huraira, Huffatil Jannah bil Makari wa Huffatil Nar bil Shahawat. Le prophète qui dit, donc toujours dans Sahihain, le paradis a été entouré de makari, de choses détestables. C'est-à-dire de choses que les âmes n'aiment pas. Faire des efforts. Ne pas rester sur ton fauteuil toute la journée à attendre comme ça, à manger du chips, des chips, à boire du jus. Non. Pour rentrer au paradis, il faut faire des actions. Il faut œuvrer. Ça fatigue. C'est pas facile. Et donc le paradis a été entouré de difficultés. Wa huffatin nar bishahawat. Et l'enfer a été entouré, a été encerclé de shahawat, les désirs, les tentations. Des personnes donc qui vont être tentées par ce qu'ils aiment, l'argent, les femmes, parler et autres. La fainéantise. Ah, rester sur le fauteuil, les pieds, les deux pieds sur la table et ne rien faire. La belle vie, comme ils disent. C'est pas ça la belle vie. Ce n'est pas ça la belle vie. Et donc nous devons faire des efforts pour aller au paradis. Fel muslimu yujahidu nafsahu ala al-qiyam bil asbab allati tudkhiluhu fil jannah wa yujahidu nafsahu ala ijtinab al asbab allati tudkhiluhu fil nar. Et donc le musulman, il fait un effort sur lui-même. Il a deux efforts à faire, le musulman. Il fait un effort sur lui-même pour accomplir les causes qui mènent au paradis et un effort sur lui-même pour délaisser les causes qui mènent à l'enfer. فكون المرء يؤمن بالجنة والنار يعينه على القيام بالواجبات واجتناب المعاصي. Et donc le fait que l'individu croit au paradis et à l'enfer, cela va l'aider à accomplir les obligations et à délaisser les interdits. Et donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve de l'enfer et qu'il nous permette ici-bas d'accomplir les causes nous faisant rentrer au paradis. Il est certes capable de toutes choses. Ensuite, l'auteur, à la page 14, il dit « وَلِكُلِّ حَيِّنْ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ » Et chaque vivant doué de raison trouvera dans sa tombe des œuvres qui seront associées à lui et il sera interrogé. Il trouvera ses œuvres dans la tombe. Et donc le croyant, ses œuvres vont le suivre. Et regardez combien de fois on a cité l'importance des œuvres dans ce livre. À chaque fois, lorsqu'on parle de As-Sirat, on passe sur le pont, qui est aussi fin qu'un cheveu, plus fin qu'un cheveu. On va parler de quoi? Des œuvres. Ce sont tes œuvres que tu accomplis aujourd'hui, maintenant, qui te font, donc qui vont avoir un impact sur toi dans l'au-delà. Lors du pont, le bassin, etc. Et maintenant, la tombe. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil selon Anas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses qui suivent le mort. Ahluhu, maluhu wa amaluhu. Sa famille, ses biens et ses œuvres. Fayarji uthnan wa yabka wahid. Et donc il y a deux qui vont rentrer, qui vont revenir, et un qui va rester. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Le prophète qui dit sa famille et ses biens vont revenir et ses œuvres vont rester avec lui dans sa tombe. Fa 'amaluka sayabqa ma'aka fil qabri la budda min. Et donc tes œuvres vont rester avec toi dans ta tombe et cela c'est inévitable. C'est inévitable. Tes œuvres resteront avec toi dans ta tombe. Si ce sont des bonnes œuvres, falhamdulillah. Et si ce sont des mauvaises œuvres, alors il ne te sera pas fait injustice. Ce sont tes œuvres qui seront avec toi dans ta tombe. Il était rapporté que si ce sont de bonnes œuvres, ces œuvres viendront sous la forme d'un homme, d'un bel homme avec une bonne odeur. Et que si ce sont de mauvaises œuvres, elles prendront la forme d'un homme moche avec une mauvaise odeur dans ta tombe avec toi. فَيَحْرِسُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ Et donc tout le temps, le musulman s'efforce d'accomplir de bonnes actions pour se préparer pour ces moments-là. Tu ne sais pas, tu peux mourir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, tu peux mourir. Et ça, c'est parti, ça commence. Toutes les étapes qu'on a citées, ça commence. Directement, t'es mort, ça commence. On te lave, linceul, l'enterrement, ça commence. Voilà pourquoi les savants ils disent, il n'y a entre l'homme et l'au-delà que le fait qu'il meure. Et la mort, tu ne sais pas à quel moment elle arrive. Donc n'attends pas, ne te dis pas, Inch'Allah, je vais faire taubah, Inch'Allah, je vais améliorer ma situation, Inch'Allah, Inch'Allah, et au final, la mort. Agis tout de suite, tout de suite. Préserve-toi, maintenant. J'ai fait Jami et Tirmidhi. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. Et donc il a été cité dans le Jami' de Tirmidhi que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la tombe est la première des résidences de l'au-delà. L'au-delà commence directement. Tu ne sais pas quand tu meurs. L'au-delà commence après ta mort. La tombe est la première des résidences de l'au-delà. Si l'individu est sauvé de cette résidence, alors ce qui vient sera plus facile. Aïssalou minhou. Ce qui vient après la tombe sera plus facile. Mais s'il n'est pas sauvé de cette étape, alors ce qui vient sera plus difficile. Tu seras seul dans ta tombe. Il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas tes amis. Les gens qui sont avec toi, qui te motivent dans les péchés. Viens, allez, arrête de faire le pieux. Hein? Arrête de faire le multahi ou je sais pas quoi. Dans ta tombe, ils ne seront pas avec toi, tous ces gens-là. Ils ne seront pas avec toi, tu seras tout seul. Il n'y aura pas de « Ah, mais Mohamed, t'es où ? Abdelaziz ?» Non, non, tu seras tout seul. Prépare-toi maintenant. Prépare-toi dès maintenant. أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. البخاري ومسلم cité selon Anas ibn Malik رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le serviteur lorsqu'il est placé dans sa tombe et que ses amis s'éloignent de lui alors certes il entend le bruit de leurs sandales, le bruit de leurs chaussures. Il est dans sa tombe, il entend le bruit de leurs chaussures qui s'en va. Tu es dans le noir tout seul et tu entends le bruit des chaussures de tes amis, ceux qui étaient là pour te réconforter, tes proches. Tu entends le bruit de leurs chaussures qui s'en vont. Alors deux anges viendront. Ils le mettent assis dans sa tombe. Et lui disent, qu'est-ce que tu dis de cet homme? C'est-à-dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fayakulu ashhadu annahu abdullahi wa rasoulu. Alors il dit, j'atteste qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Fayukol, unzur ila maq'adika min an-nar, abdalaka Allahu bihi maq'adan min al-jannah. Fayarahuma jami'an. Alors après qu'il a dit ça, il lui sera dit, regarde ta place de l'enfer, ta place en enfer. Regarde ta place en enfer. Certes, Allah te l'a remplacé par une place au paradis. Yarahuma jami'an, il verra les deux. Sa place en enfer et sa place au paradis. Sa place en enfer et sa place au paradis. C'est pour cela que les savants, lorsqu'ils parlent du qadar, ils disent parmi donc les degrés du qadar, il y a l'ilm, la science. Le fait que Allah, il sait tout. Mais ken wa ma sayakun wa ma lam yakun wa law kana kayfa yakun. Le fait que Allah il sait ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'il y a dans le futur, et ce qui ne s'est pas produit, et que s'il devait se produire, il sait comment c'est. Il sait comment cela se produit. Là, la personne, elle a ses deux places. Une en enfer, une au paradis. Allah, il sait que si cette personne, elle doit rentrer en enfer, sa place, c'est celle-ci. Et que si elle doit rentrer au paradis, sa place, c'est celle-là. La personne, ses deux places, elles lui sont montrées. Il voit les deux. Et donc, le plaisir de voir cette place qui t'attend au paradis, quand tu as passé cette première étape, l'épreuve de la tombe. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa amma al-kafir aw al-munafiq, fayakulu la adri, kuntu akulu ma yakulu nas. » En ce qui concerne le mécréant ou l'hypocrite, alors il dira, je ne sais pas. Je disais ce que les gens disaient. Je répétais ce que les gens disaient. Fayukalu la, madareita wa matalait. Non seulement, alors il lui sera dit, non seulement tu ne savais pas, mais tu n'as pas, yani mekarat. C'est-à-dire, tu n'as pas cherché à savoir. Tu n'as pas su, mais tu n'as pas non plus cherché à savoir. Tu n'as pas fait les causes pour savoir. Tu as juste suivi les gens. Comme on a à notre époque. Même chez les musulmans. Même chez ceux qui se disent suivre la sunna. Allez hop. Bon, chaque fois on le montre. Les messages qui viennent sur les portables. Allez, j'ai entendu les gens dire, je répète. Un tel Keda. Allez hop, on répète. Un tel Surfou. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut répéter. Allez. Parce que si je ne dis pas, ben, je ne suis pas bien. Allez, on répète. On envoie, on propage comme ça. J'ai entendu les gens dire, alors j'ai dit. J'ai fait la taqlid. J'ai suivi. Non. Tu n'as pas su et tu n'as pas cherché à savoir. Cherche les preuves de la vérité. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Thumma yudrabu bi matrakatin » من حديد ضربة بين أذبين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Et ensuite, il sera frappé avec une matraque métallique, avec une matraque en fer, entre les oreilles, sur la tête, entre les oreilles. Alors il va pousser un cri que toutes les créatures vont entendre, sauf Al-Thaqalayn. C'est qui Al-Thaqalayn? Al-Jinn ou Al-Ins. Sauf Al-Thaqalayn, sauf les djinns et les êtres humains. Tous les autres vont entendre. Et donc, il faut aussi invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme on le fait durant la prière, pour qu'il nous préserve de cette épreuve, durant cette épreuve, l'épreuve de la tombe, et qu'il nous raffermisse ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite, l'auteur, il finit à la dernière page chez vous, à la page 15. Il dit « Hada atikadu shafi'i wa malikin wa abi hanifata wa thumma ahmada yunqalu. » Ceci est la croyance de Shafi'i et de Malik. Et de Abi Hanifa, puis de Ahmed, qui est rapporté. Et donc, cette croyance de ces imams qui nous a rapporté dans les livres. Parce que les imams, parce que les salafs, les pieux prédécesseurs, Allafu kutuban fil aqida, fil i'tiqad. Les pieux prédécesseurs ont écrit des livres sur la croyance pour que nous, à notre époque, nous puissions savoir quelle est la véritable croyance, quelle est la croyance authentique, la croyance musulmane, la vraie. Et donc ce sujet est important, contrairement à ce qu'on peut entendre de certains, Ah, j'ai lu un livre de Aqida, ça m'a donné mal à la tête, je l'ai jeté. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdoulilah, aujourd'hui on arrive à la fin de ce livre. On a eu mal à la tête? Non. Non. Abdelrahman, t'as eu mal à la tête? Ah, Abdelrahman, mashallah, il a pas eu mal à la tête. Je suis vraiment choqué de voir qu'une personne ose propager un audio sur YouTube qui est entendu par je ne sais pas combien de personnes et qui va dire une parole comme celle-là. Et derrière, ne pas se repentir, bien sûr. Hein. Derrière, et tout faire pour essayer de montrer que sa parole, elle est correcte. Subhanallah. Un sujet aussi important que la croyance. Un sujet aussi important. Préserver ton cœur. Préserver ton cœur. Et à chaque fois, cette même personne qui dit, oui, ce qui est important, c'est le cœur. La croyance, c'est lié à quoi? La croyance, c'est lié à quoi? Pour préserver ton cœur. Et donc, les salafs, nos pieux prédécesseurs, accordaient une très grande importance à cela. L'irtiqad, la croyance. Et donc, ce que nous avons vu dans ce poème est la croyance des pieux prédécesseurs. Les imams et ceux d'avant eux. La croyance des sahaba, la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est de eux qu'on a pris la croyance. C'est d'eux qu'on prend la croyance. Et encore d'autres, parmi les prédicateurs francophones, qui propagent aussi sur YouTube en disant « Ah, la majorité des ulama étaient ash'arites. La majorité des ulama étaient ash'arites. » On aimerait bien voir un seul Ash'ari. Je ne dis pas deux. Attention, je ne dis pas deux, ni trois. Je dis un. Un, juste un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Khayrun nasi korni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. » Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. On voudrait voir un Ash'ari là-dedans. Un Ash'ari parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un Ash'ari parmi les tabi'is. Un seul. Et après, on vient essayer de tromper les musulmans avec les noms de un tel et de un tel et de un tel. Non. Alhamdulillah. Tu veux prendre la croyance de Ahl Sunnah, tu la prends des premières générations. Hadha i'tiqad al-Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqalu. Et tout cela, ils l'ont pris de ceux qui sont au-dessus d'eux encore. Et donc, ne cherche pas à te faire, ne te laisse pas tromper par tous ceux qui vont venir avec des ambiguïtés comme celle-ci. Regarde plus haut. Et donc, tu dois être fier d'avoir cette croyance. Même si tu n'es pas dans les mêmes années que ces gens-là, mais tu as la même croyance qu'eux. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tu as la même croyance qu'eux. Vous êtes réunis par rapport à cette croyance. Même si les années et les lieux et la langue vous séparent. Mais vous avez la même croyance. Alhamdulillah. Et ensuite, il cite le dernier vers et il dit... فَإِنِ اتَّبِعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقٌ وَإِنِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلٌ. Alors, si tu suis leur voie, donc la voie des pieux prédécesseurs, alors la réussite t'est accordée. Si tu suis la voie des pieux prédécesseurs, la réussite t'est accordée. يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تَتَّبِعَ. Il t'est obligatoire de suivre. Ne cherche pas à ramener une nouvelle croyance, une nouvelle façon de voir, un islam moderne. Suis. Eux, ils ont réussi. Si tu veux réussir, alors tu dois les suivre. Ne te laisse pas prendre par les ambiguïtés. Et si tu innoves, alors il ne sera pas pris de toi. La science. On ne prend pas de toi. On ne prend pas la science des innovateurs. Ça, ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Ce n'est pas nouveau. Regardez. La croyance de Shafi'i, Abu Hanifa, Malik, Ahmed. Si tu innoves, on ne prend pas ta croyance. On ne prend pas de toi. Tu dois faire attention de qui tu prends ta science. On a beau le répéter à chaque fois. Inna hadha al-amra dinun. Ceci est une religion. Ceci est une religion. Tu dois faire attention de qui tu prends ta science. À notre époque, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont propagées. Des sites, des comptes Twitter, des comptes Facebook, où tu ne connais pas le nom de la personne qui est derrière. Fais attention de qui tu prends ta science. Et donc, si tu innoves ici, il n'a pas cité certaines innovations et pas d'autres. Non, c'est global, général, n'importe quelle innovation. C'est quoi une innovation? C'est quoi une innovation? C'est quelque chose qui est inventé dans le dîme, que ni le prophète ni les compagnies ne l'ont fait. Et donc, la définition, Cheikh Ibn Al-Faymin l'a donné une très bonne définition de l'bida, de l'innovation, très facile à mémoriser. Al-taqarrubu ila Allah bima lam yashra'u. Tout simple. Le fait de chercher à se rapprocher d'Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré. Que ce soit par la parole, par les actes ou par la croyance. Tu cherches à te rapprocher d'Allah parce qu'il n'a pas légiféré, ni dans son livre, ni dans la sunna. Ça s'appelle une innovation. Et si tu accomplis cela, alors tu es délaissé. La réussite n'était pas accordée. Et donc voilà, nous avons, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, fini ce poème sur la croyance. Ce poème, l'ami a attribué à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et on espère qu'on pourra tous profiter de ce que nous avons entendu. Et que ce poème, et que le fait d'étudier la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah sera pour tout un chacun une cause nous permettant d'accomplir les actes menant au paradis. Parce que c'est ce qui est voulu quand on étudie ce genre de choses. C'est ce qui est voulu, c'est qu'après on s'améliore et qu'on accomplisse des actes nous menant au paradis. Et qu'on délaisse les actes qui mènent à l'enfer. C'est ce qui est voulu par ce genre d'assises, les frères. Et donc, demandez à Allah, nous demandons à Allah tawfiq wa sadad wa niwafiqana li kulli khair innahu ala kulli shay'in qadir subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je préviens, j'ai pas encore choisi le livre de la semaine prochaine, inshallah. On va voir. Jazakumullah khair.